Je suis à mon poste. Je suis à la résidence d'État officielle à Abidjan. Le Zozo qui s'est proclamé président de la République a dissous à l'instant même l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel et les autres institutions de la République. Ceci est inadmissible. Je maintiens ces institutions et je leur demande de refuser d'obéir. Je leur demande d'organiser en leur sein la résistance également et de leur influence dans le pays, de soutenir la résistance civile au coup de force. Vous ne craignez pas d'être arrêté par les mutins ? Je ne crains rien. Un an plus tard, jour pour jour, le général Gueye s'autoproclame vainqueur des élections.